Auberge de jeunesse d'Annecy, bonjour. Bonjour. Je vous téléphone parce que je cherche l'auberge. Je suis perdue. Où êtes-vous ? Je suis près de la rivière. Place au bois. Place au bois. Vous voyez le lac ? Oui, le lac est à ma gauche. Bien. Vous allez vers la gauche et vous prenez la rue des Marquisats. Je prends la rue des Marquisats. À l'hôtel de police, vous tournez à droite et vous montez l'avenue de Trésomme. Hôtel de police, je monte l'avenue de Trésomme. Ensuite, vous prenez la première à gauche, boulevard de la Corniche, puis vous prenez à droite, le chemin du Belvédère. Ouh là là ! Gauche, puis droite. Ce n'est pas loin. Vous êtes à un petit kilomètre. L'auberge se trouve route du Semnoz, sur la gauche. Bon, j'arrive.